Le monument aux faits révolutionnaires des éminentes figures Paek Tsan, que brillent à jamais les traces historiques, est mis sur pied au département de la sécurité du peuple de la province du Pyongan du Nord. À la cérémonie de dévoilement tenue le 5 courant, on prépare les agents de sécurité du peuple, les militaires des forces populaires de l'intérieur de Corée et le personnel du département. Ils ont déposé les bouquets et tiges de fleurs devant le monument aux faits révolutionnaires du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise.